matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h. J'espère que vous avez fait un bon gros dodo et que vous êtes fin prêt pour cette émission. Autour de cette table, j'ai tous les chroniqueurs. Quelle chance! Salut James, ça va James? Salut Tristan! Waouh, tu commences par moi pour la première fois, je crois. C'est vrai? Ah ouais, c'est la première fois, je suis trop content. En fait, je commence toujours par toi. Non, c'est tout le temps Jocelyn. C'est vrai? Ah ouais. Et moi, je suis très jaloux au fond, mais là. Ok, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Bah, j'ai fait des belles choses, j'ai été malade un petit peu, je me suis guéri, j'ai fait de l'impro, j'ai fait du bonheur. Ok, très bien. Jeanne, ça va Jeanne? Ça va. Bon, c'est ta deuxième, maintenant tu sais comment ça se passe. Bah j'attends la signature pour le CDI là. Voilà, tu vas nous parler de l'horoscope. C'est toi qui reprends la main sur l'horoscope, c'est ça? Petite chronique astrologie. On a hâte de se voir, ce sera après le journal et après la météo, et puis après l'éphéméride. Donc t'as le temps de te reposer encore pour l'instant. Et moi tu me demandes pas ce que j'ai fait. Si, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Alors j'ai fait de l'impro, j'ai fait du bonheur. Mais t'es pas tombé malade? Non, je suis toujours quand même un peu malade, mais c'est pas grave, D'accord. On apprend à vivre avec. C'est marrant ça. Ah là là, qu'est-ce qu'on n'oublie jamais rien, sur toi? On vit avec. Jocelyn, ça va? Ça va et toi Tristan? Hey, ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi cette semaine? Qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Absolument rien, j'ai déménagé, puis je pense rien quoi. Alors que moi il m'est arrivé un truc de fou. Bah Tristan ça va? Ouais ça va, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Je suis allé à Paris hier. Mais et non. Je suis revenu et en fait je pensais que mon train était à 17h13 parce que j'avais un autre aller-retour un peu plus loin dans un mois. Et donc je badge ce ticket là. Sauf que c'était pas le bon ticket, bah QR code. Et en fait mon train était à 16h. Ah c'était fait qu'il le 16h13 a fallu que je reprenne. Non le 15h58. Ah mince ils ont changé. J'ai dû reprendre un autre billet. Et ça m'a coûté 39 euros. C'est ballon. Ah c'est 39 euros pour faire Paris-Nancy. Si tu débrouilles bien mais j'ai des combines. Je pourrais te raconter ça. Ah ouais tu feras un tuto. Ouais j'arrive à gruger la SNCF. Mais ça c'est un autre débat. On a une émission à faire les enfants. Il paraîtrait. Donc j'aimerais qu'on soit pas trop en retard, sachant qu'on est déjà en retard et j'adore le retard pour autant. Donc on va attaquer tout de suite avec le journal. Il est 18h passé de quelques minutes, c'est le journal présenté par James et par Jocelyn. On commence tout de suite avec James et les informations nationales et internationales. Coupe du Monde, oui puisque la Coupe du Monde s'est ouverte le week-end dernier. Suite à l'interdiction de la bière, de plus en plus de supporters se rendent compte qu'en fait, c'est pas incroyable le football. En effet, la sobriété aidant, certains se disent étonnés de voir à quel point le spectacle de joueurs courir derrière un ballon est finalement assez vide de sens. Certains se rendent même compte que leur vraie passion, c'est d'être ivre sur la voie publique et pas le sport finalement. C'est chiant d'être à jeun. C'est on vrai. Peut le dire. Nouveau drame lié à la chasse dans la Creuse. C'est hier soir que le drame s'est produit. Yvette Pitounier a été grièvement blessée suite à un accident de chasse. Ses toilettes ont en effet dysfonctionné et elle a glissé sur une mare d'eau dans sa salle de bain, se cassant ainsi le col du fémur. De nombreux députés écologistes appellent à la démocratisation des toilettes sèches pour cesser le carnage. Merci. Et enfin, le rachat de Fadjet, avec Elon Musk qui annonce qu'il faudra bientôt payer pour écouter la voisinade. Et oui, c'est la suite de cette saga qu'on vous fait suivre depuis quelques semaines. L'émission phare de Fadjet, présentée par Gaelon et qui passe un jeudi sur deux à la place de cette émission. Le premier et le troisième du mois. Voilà. Va désormais coûter 8 euros par émission pour ceux qui veulent l'écouter. L'animateur Gaelon n'a pas voulu répondre à nos questions suite à cette annonce unique dans l'histoire de la radiophonie. Il en parlera peut-être dans son émission qui aura lieu lundi, jeudi prochain. Voilà, visiblement, il était un peu désappointé. Donc ouais, j'ai vu lundi comprendre. Matin, il n'avait pas l'air bien. Pas dedans. Il devait sortir d'un entretien avec Alan. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Oui. Le conseil municipal de Crantenois vient de voter pour le non-cumul des emplois fictifs. Dorénavant, les conjoints des conseillers municipaux ne pourront avoir qu'un emploi fictif. C'était pourtant coutume auprès des conjoints crantenais que de se déclarer 3, voire 4 emplois fictifs. Mais après la découverte d'un vide juridique que le conseil a comblé, une manifestation fictive aura lieu ce vendredi à 18h. Projet de loi pour l'interdiction de la corrida, le Conseil régional Grand Est vote pour le remplacement du taureau par un lapin. pour faire une mise à mort plus choupie. Exactement. Diffusée en clair pendant l'heure du repas, la corrida était souvent regardée en famille. Le mouvement vegan avait signalé une certaine cruauté dans la pratique. Le Conseil Grand Est a donc décidé d'agir. Le taureau féroce sera remplacé par un petit lapin agoura. Et on reste toujours avec Elon Musk, puisque Elon Musk ouvre à nouveau le compte de Twitter de Gérard Petit-Collat. En effet, Gérard Petit-Collat, habitant de la ville de Charleville-Mézières, était connu de la twittosphère pour son humour potache et ses photomontages piquants. Mais en octobre dernier, il avait été trop loin avec un photomontage de Bernard Tapie en Aladdin. On s'en rappelle tous. Elon Musk le libère en prenant la liberté d'expression. Son public est enfin soulagé. Et on souhaite beaucoup de tweets, de beaux tweets à Gérard Petit-Collat. Merci pour ce Flash Info. On se retrouve pour le prochain Flash vers 18h30. Et tout de suite, place à la météo. La météo. Au cœur de l'automne, j'y trouvais de la pluie. J'y trouvais du froid et de la mélancolie. Mes cauchemars commencèrent tôt, comme le faisaient les nuits. Jouant un air de piano qui jamais ne m'endormit. Au cœur de l'automne, j'y trouvais des nuages, j'y trouvais cette incertitude que l'on noie dans des breuvages, par langueur ou par habitude. Au cœur de l'automne, cesse donc de battre, la mesure de la rancœur est faite de ma nature le théâtre, d'un nouvel homme dont l'ampleur dépasse celle des astres, un phare dans la nuit pour que nous puissions revoir ce soleil qui contient en son sein notre espoir. C'est toujours quelque chose. Il y a un biopic qui se prépare sur James? Non, sur l'émission la matinale à 18h. Et tu peux déjà un peu nous parler, notamment pour que les producteurs de ce biopic entendent. Comment tu prépares, toi, cette météo? Ah, c'est très simple. Donc, je suis en pyjama en général, d'accord? Ouais, okay. Donc je me mets devant mon ordinateur. Ouais. Tac. Et là, j'ai une phrase. Ouais, et ensuite, une accroche, voilà. Mmh. À cette phrase, il y a un mot de fin. D'accord. Et ça rime en quelque chose. Et je mets rime en quelque chose sur Google. Mmh. Et là, ça part. Et là, hop. Ah, tiens, il y a. Tu te laisses porter par Google. Ouais, exactement. Mais que ferais-tu sans Google? Est ton navire. Mais c'est vrai, comment on faisait avant Google? Ça prendrait plus de temps. Clairement. Mais je pense que je finirais par trouver des rimes quand même, quoi. Ce serait peut-être moins bien. Ouais, voilà. Ce serait sûrement moins bien d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas pour cette météo qui m'émerveille toujours à chaque fois. Nous sommes le jeudi 24 novembre et qu'est-ce qui s'est-tu passé un jeudi 24 novembre? Qui c'est qui fait l'éphéméride d'ailleurs? C'est Jeanne. Eh bien Jeanne, on te retrouve pour l'éphéméride juste après Industry Baby. Lil Nas and Check. Hashlow. Baby bet, ay, couple X, ay, couple Grammys on him. So just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I'll see ya. Huh. I'm a pop nigga like Bieber. Huh. I don't fuck bitches, I'm queer. Huh. But these nigga bitches let me deal. Yeah, ayy, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. So just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell him that the break is over. My track record's so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say. Get your souls. Tell them that the break is over. Lil Nas and Jack Harlow, Industrial Baby. La matinale de 18h. Parce que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Et oui, donc aujourd'hui nous sommes le 24 novembre, nous sommes le 328e jour de l'année et il reste 37 jours avant la fin de l'année 2022. 37, tu te rends compte ? Là, je me rappelle, il y avait un coup où il restait 100 jours, maintenant plus ouais, 37. C'est vrai. J-37. Ouais. J'ai passé une bonne journée le jour-là d'ailleurs. Ouais, c'était ça. Le J-37. Il y a 100 jours ? Non, quand il restait 100 jours. Quand il restait 100 jours, c'était il y a 73 jours. Non. Non, 63 jours. 63 jours. Des formats. Alors aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête à toutes les Flora. Ah, bonne fête. Bonne fête à toutes les Flora. Je peux faire la phrase là, mais complètement autrement. Bonne fête à toutes les Flora. Va faire complètement autre chose. Alors aujourd'hui, nous vous souhaitons la Saint-Flora. Voilà, merci. Voilà. C'était super. C'était bien autre chose, en effet. Nous souhaitons un bon anniversaire à Alain Chabat. Ah, quel âge, Quel âge 65 ans. 63. Il est né en 1958, je te laisse faire donc le calcul. 64 ans. 64 ans. Alors, votre film préféré d'Alain Chabat, c'est lequel ? La quoi ? Votre film préféré. En tant que réalisateur ? Ou même en tant qu'acteur, on va pas. D'accord, parce que le réalisateur, c'est Astérix. Astérix ou le chien, là ? Didier. Astérix ou le chien, c'est pas un... C'est pas un... Il a pas fait un... Il était réel ou il était juste acteur sur Didier ? Didier, je crois qu'il est réalisateur. Non, c'est le réel, je crois. C'est possible. Je crois que c'est son premier, d'ailleurs. Écoutez, si vous savez, les auditeurs, si vous savez, n'hésitez pas à nous appeler. Dites-le dans les comments. Demandez à Google, tiens. Demandez, ouais. James, ton film préféré ? Moi, je dirais que c'est La Cité de la Peur, je pense quand même. Ah ouais, ça, c'est bien aussi, ouais. C'était également l'anniversaire de Henri de Toulouse-Lautrec. C'est qui ça ? Pourquoi ça te fait rire ? C'est un peintre. Parce que c'était en 1864, c'est un peintre. Ah, j'ai cru que tu te moquais de son handicap. Bah oui. Non, bah oui. Alors, est-ce qu'il faut qu'on explique Toulouse-Lautrec ? Oui, bah oui, il était nain. Il était nain, en fait. Mais non. Mais si. Ah, je viens d'apprendre quelque chose. Alors, son prénom, c'était Toulouse. Alors, il était nain, mais il avait également une maladie au niveau, je crois, des développements, des os et ce genre de choses. Pourtant, tout le tableau était peint. Pas que le bas. Son prénom, c'était Toulouse. Et ça a choqué. C'est Henri. Henri de Toulouse-Lautrec. Ah oui, ok. Et donc, il avait cette maladie et il est devenu complètement accro aussi au médoc, enfin à plein de trucs, à de la drogue et tout Pour quelqu'un de la région, c'est normal d'être accro au médoc. Oh oui, oui, bravo. Et il était vierge d'ailleurs. Mais non. Comme Sinastro, oui. Ok, bon savoir ça en vrai. Hein. Votre peinture préférée de Pareil, moi c'est La Cité de la Peur. Là, il y a un. Oh, je sais plus. Bref, ouais, non. Moi c'est au Moulin Rouge où je le lis, je sais plus. Ouais, il passait tout son temps en fait dans les bordels et comme. Enfin voilà. Ouais. Ah, donc il n'était pas complètement vierge. Donc non. Taille de Toulouse-Lautrec. La taille de quoi ? Non, mais j'aimerais bien savoir la taille de Toulouse. Cette émission est également présentée par Google. 1m52. Ah, bah j'étais pas loin. Ah, il était pas nain, quoi, non plus. Hein. J'ai regardé une émission. Dit-il qui... alors qu'il fait 1m90, tu sais. 7. Mais j'ai regardé une émission sur le périple de Magellan. Hein. C'était, tu dis comment Magellan ? Magellan. Magellan. Il y a trois L. Et ben, parce qu'ils ont croisé des indigènes en Ushuaïa qui faisaient 1m85. C'était très grand pour eux parce qu'en moyenne, ils faisaient 1m50 à l'époque, les Portugais. Et Espagnols, pardon, les deux. Mais Henri, il était Portugais ou Espagnol ? Il était Portugais, Magellan. Ah ouais. Mais sauf non, mais que Henri de Toulouse de Lautrec. Ah non, non, non, non, non, il était français. Donc rien à mais voir. Non, mais tout ça pour dire que il était pas nain, puisque la moyenne d'âge. Au Portugal. Au Portugal et en Espagne, c'était 1m50. Il était pas nain, il était au 15e, 16e. S'il avait été portugais, il serait pas nain. Mais là, il était français. La phrase que tu viens de dire, Tristan, c'est juste pour dire il était pas nain, parce que la moyenne d'âge au Portugal et en Espagne, c'était 1m50. Je sais pas si c'est la plus belle phrase. Ouais, alors, d'accord, c'est comme ça. Mais voilà. Ouais. Ouais, ok. Enfin, en tout cas, il arrivait à peindre tout le tableau. Bah, même dans les. Moi, j'aimais bien, moi, ces œuvres. Je trouve qu'il y a des trucs. Tu les aimes sympas. Plus J'ai grandi, je me suis dit. Oh. D'accord. Donc, le 24 novembre 1803 a eu lieu l'inauguration du Pont des Arts à Paris. Oh. Le Pont des Arts. Voilà. D'accord. D'accord. Exactement, c'est vrai. Vrai, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. Okay. Tu peux nous en parler un peu du Pont des Arts ? Qu'est-ce le que c'est ? Le Pont des Arts, alors c'est un pont sur lequel il y a justement les œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec qui y sont exposées. Ah, voilà. Il est exposé sur un pont, lié. Quoi. Oui. C'est ça. Qui fait 1m52. De long, exactement, c'est un tout petit pont. Oui, mais il n'est pas portugais. Le pont. Espagnol, je crois. Petit dicton. Ah, petit dicton. Ah, ok. Quelque temps qu'il fasse en novembre. Commence le feu dans la chambre. Oh là là, ah ouais, c'est chaud. Hein. Quel chaud soit le temps. C'est érotique un peu. Là, hein. Bah après, tu le vois comme tu veux. Hein. C'est vrai, ça se trouve, c'est incendiaire. Ah, c'est peut-être, oui, ok. Parce que pour moi, c'était. Ah oui, en fait, là, à la base, c'est pour dire, genre, on va commencer à faire le feu, quoi. Bah, je pense qu'il faut commencer à se réchauffer, en fait. Ouais, bah, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Eh ben, merci pour ce dicton et n'hésitez pas à faire le feu parce qu'il est déjà 18h passé et c'est déjà la pénombre. Donc, on sent qu'il fait frisquer là. Il fait frisquer. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de lumière dans le studio quand même ? C'est vrai. Ouais, il voit rien là. Allumons un feu. La chandelle. Oh, faudrait qu'on fasse à la chandelle une fois. C'est vrai. Je pense que les auditeurs apprécieraient. Je pense, oui. Ça mettrait l'ambiance. Eh ben, tu sais quoi, Jeanne, tu gardes la main ? Parce que c'est l'heure de l'horoscope. Okay. En fait, tu nous as squeezé toutes nos catégories. Tous les trucs fun, quoi. C'est vrai. Ah, la mèche. Elle a pris tout. C'est l'horoscope et on va voir comment tu vas nous travailler l'horoscope puisqu'on va faire appel à un auditeur. Oui, c'est ça. On va appeler un invité, même, j'ai envie de vous dire. Un invité de marque. Ah oui, quand même. Voilà. Un invité de marque. Très bien. Qui a entendu la chronique la semaine dernière et qui a eu vraiment une passion pour mon talent pour ton en astrologie. Ah ouais. Exactement. Et donc, il voulait avoir quelques petites réponses concernant son couple. Alors, on va l'appeler pendant Calvin Harris. Ok, super. goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you along. Don't be afraid to catch pills. Don't be afraid to catch these pills. Ride your cup and chase through. Yeah. I know you ain't afraid to pop pills. Baby, I know you ain't scared to catch pills. Pills with me. Don't be afraid to catch pills. Don't be afraid. Ride your cup and chase through. Okay. I know you ain't afraid to pop pills. I know. Calvin Harris. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. L'horoscope des 18h. L'horoscope présenté par Jeanne, parce que j'allais faire toute la musique là, tu vois. Donc là, Jeanne, tu lances l'appel pour notre invité, s'il Alors, oui, l'idée, c'est qu'on appelle un invité. C'est parti. Allô, ouais, je ne sais pas dans quel bout je dois parler. C'est dans ce petit combiné. Allô, bonjour. Alors oui, bonjour, c'est Jeanne de la matinale de 18h. Ah, formidable. Sur Fadjet 94.2. Excellent. Vous allez bien? Alors donc, je vous présente notre invité. Notre invité, c'est Louis naturel. XVI. Mais voilà. Non, Louis XVI. Et si, nous avons cet bonjour à tous. Honneur. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir ici. Comment ça va, Louis? Bah écoutez, ça va très bien, j'ai des petits problèmes... Mal de tête? Des maux de tête, non, j'ai des problèmes de cœur, pour être tout à fait honnête avec vous. Oui. Je vous appelle parce que je suis dans une amourette, comme on appelle ça, et c'est une amourette avec une... Bah ça rime avec Marie-Antoinette, peut-être connaissez-vous. Mamie, bon voilà. Vraiment. Alors écoutez, j'aurais voulu faire appel à vos services, ma chère, afin de savoir si éventuellement une petite... L'amourette pourrait devenir un amour, qui pourrait devenir une âme sœur. Alors ça tombe bien, oui. Donc j'ai fait votre petit calcul au niveau thème astral. Donc vous, Louis, vous êtes né le 23 août 1754 à 6h26 à Versailles, si je ne me trompe pas. Bah écoutez, c'est précisément la date de mon anniversaire. Ça, vous y êtes très bien renseigné. Hein, vous saurez que vous êtes Lion ascendant Vierge, Louis. Ah d'accord. Voilà. Bah, écoutez, je le dirai. Je vais faire graver des têtes de lion sur mes enluminures. Partout chez moi. Et donc Marie-Antoinette, donc de ce que vous m'avez communiqué, Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à 19h30 à Vienne en Autriche. Oui. C'est quoi comme signe? Alors donc Marie-Antoinette est scorpion ascendant cancer. D'accord. Ah oui, elle est très très piquante. Hein. C'est une. C'est un sacré mélange, non? Ah oui. Alors en effet, donc pour votre compatibilité, je dirais que vous êtes souvent sur la même longueur d'onde pour tout ce qui concerne les aspects importants de la vie. Et sur ce qu'il faut mettre en place pour avancer. Donc Marie-Antoinette saura vous pousser, saura vous aider à aller au bout de vos idées, et surtout elle arrivera à vous canaliser. Surtout avec Louis, vous avez quand même un esprit avec énormément de pensées. C'est vrai, voilà. J'ai beaucoup de pensées dans la tête. Vous êtes quelqu'un qui aimait prendre beaucoup de place également, donc Marie-Antoinette saura se faire un petit peu plus discrète à vos côtés. Donc ça peut être une bonne chose. Très très bonne nouvelle. Donc on est plutôt sur une relation assez harmonieuse. Vous êtes très attirés l'un par l'autre et cette union a de grandes chances d'être pérenne. Et c'est formidable ça. Et ça, Monsieur Bern n'en parle pas du tout ses émissions. Oui, non, c'est vrai qu'il est venu m'interviewer récemment. Il n'en a pas du tout. On n'a pas du tout évoqué ça. Ah, vous le connaissez un petit peu, Monsieur Bern? Bah écoutez, oui, il vient me rendre visite pour des éventuelles collaborations. Okay. Je refuse systématiquement. Pourquoi? Systématiquement. Écoutez, parce que je suis un souverain, n'est-ce pas? Et j'adore les souverains. Oui, mais en tant que souverain, je ne peux pas me permettre de m'abaisser auprès de chaque journaliste qui vient ici, journaliste slash comédien de télévision qui vient vers moi. Vous connaissez le mot slash au 18e? C'est vrai. Oui. Parce que ça vient du latin slashus. Mais non. Slashus, slashis, slasho, slasho, slasho. C'est une conjugaison en latin. On le décline, bien sûr. Ah oui. Okay. Et donc, ça veut dire petite barre penchée. Alors, Louis, vous avez peut-être envie de savoir un petit peu comment ça va se passer sous la couette avec Marie-Antoinette. Ah, bien sûr, oui, j'ai extrêmement envie de savoir comment ça va se passer. Alors, disons que vous avez une compatibilité à 74%. Voilà. Donc cette combinaison favorise le développement d'actions efficaces et harmonieuses effectuées ensemble. Elle indique une attraction sexuelle. Vous réagissez instantanément aux besoins de l'autre en coordonnant efficacement vos actions. Cet aspect est ainsi favorable pour les efforts mutuels dans l'amélioration physique et mentale. Vous pouvez travailler ensemble efficacement dans une vie professionnelle, financière et dans des partenariats commerciaux. Dites donc, vous dites tout ça en improvisation, c'est incroyable, on a l'impression que vous lisez un texte. Absolument pas. C'est ça qui est fort. C'est ça les étoiles aussi, hein, des fois on c'est se le dit, c'est fou. Hein, c'est écrit dans le ciel. Et c'est, alors, bravo déjà pour tout ton travail hein, de connexion entre deux personnes qui ont marqué l'histoire de la France. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ailleurs les semaines prochaines comme couple? Ah, déjà, on va raccrocher avec Louis. Au revoir. Oui, écoutez, moi, je dois vous laisser. Oui. Je laisse ce petit combiné. Je coupe, pose ici. C'est hein. ça. Voilà. Pardon. Ah, ok. oui, non, mais quel couple on pourrait faire? Ah, bah, je sais pas, comment c'est vous vrai, voulez. Ça. Ou pourquoi un couple? On peut faire juste une grande Emmanuel personnalité. Macron. Ou juste une grande Emmanuel personne Macron, aussi, comme tu veux. Avec Brigitte Macron. J'aimerais bien savoir si comment veux, ça se passe en vrai. Je n'imiterai pas Emmanuel Macron la semaine prochaine. Je vous préviens tout de suite. D'accord. Il ne fait pas partie de mon répertoire. Ok, voilà. Bah, pas de soucis. Faut qu'on bosse, quoi. Donc. On fait un appel. Si on a quelqu'un dans la rue qui écoute la matinale de 18h et qui sait très bien imiter Emmanuel Macron, il est bienvenu parce que. Ou alors sa femme. Ou alors, oui, tu fais très bien, peut-être Brigitte. Tu fais Brigitte? Non, je fais pas bien Brigitte. Et si quelqu'un dans la rue sait très bien imiter Brigitte également. Si Brigitte nous écoute. Si Brigitte. Venez recharger Brigitte 3, nous écoute, c'est pas voilà, si Brigitte. Et Brigitte vous demandez la matinale de 18h. Il est tard, c'est déjà l'heure du journal. Il est bientôt ou même dépassé 18h30. Ouais, ça va vite. Ça passe vite, ouais. Los Fabulosos Cadillacs. Ah, ça c'est bien ça. Avec Matador. C'est ton choix, c'est ça? C'est mon choix et c'est du dinguerie. Allez. son porque tienen miedo. Mis palabras son malas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires. Jeanne. Oh. C'était la fin de la musique. Le professionnalisme. Los Cadillacs, Matador. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Il est 18h30 et quelques minutes, c'est la deuxième flash info. On commence tout de suite avec les informations nationales et internationales avec James. Une autre Coupe du Monde a lieu en ce moment au Qatar. Il s'agit de la Coupe du Monde de Pogs, ce jeu des années 90 à la base de petites rondelles en carton organise en ce moment même la deuxième édition de ces championnats du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Bien sûr. Ça consiste en quoi les Pogs? Il y avait des en fait, c'était ici, des petites rondelles en carton avec un personnage. Ah, les Pogs avec la bébête. D'accord. Oui. Donc oui, reprends. En tout cas, voilà, on aura des représentants français qui seront là-bas. Côté hommes, on aura Jean-Marc Lubin, alias Lulu, de Charlie et Lulu, là-dedans. Et chez les femmes, une extraordinaire reconversion, celle de Magali Vahe, ancienne vainqueur de la Starac. On leur souhaite bonne chance pour cette compétition. Allez, on espère un petit cocorico. Près de 75% des Français se disent favorables au retour des musiques d'ascenseur. C'est une tradition qui s'est perdue et avec elle tout un corps de métier, celui de compositeur de musique d'ascenseur, hein, puisqu'il n'y en a plus maintenant. Mais si on en croit ce sondage, il pourrait y avoir un créneau pour une résurgence, voire pour une innovation. Certains ascenseurs aux États-Unis disposent déjà d'un groupe de musique attitré qui joue pour toutes les personnes qui font le trajet. Espérons que cela parvienne jusqu'à la France. Ouais, ce serait trop bien. Voilà. Oui, effectivement. C'est demain, le Black Friday. Nos conseils de bonnes affaires dans la boutique Fadjet. Évidemment, nous vous conseillons les traditionnels stickers, hein, on en parle souvent, ou les casquettes ou les caleçons à l'effigie de Fadjet. Mais cette année, vous pouvez également vous offrir des cadeaux exceptionnels avec notamment un saut en parachute avec Jocelyn, oui. Qui est possible. C'est également... lui qui fait le parachute ou... Ah, ça, non, c'est moi, je voir. Fais le saut. Ah. D'accord, voilà. Il y a également une heure de balade avec Jeanne qui vous chantera vos titres favoris à l'oreille. Voilà, c'est possible. La photo dédicacée de l'équipe de la matinale de 18h est malheureusement déjà en rupture de stock. Donc, on ne pourra pas... C'est vrai, on pouvait déjà réserver la 2023. Exactement, on pourra. Très bien. Merci pour ces informations. On passe tout de suite aux informations locales avec Jocelyn. Le chanteur Patrick Bailly, que tout le monde connaît. Jeanne, je crois que tu peux nous fredonner un de ses plus gros tubes. Ah oui, la mousse au chocolat. Ça donnait quoi? La mousse au chocolat. Tellement. Ça glisse, c'était énorme. Ça glisse, voilà. Eh bien, le chanteur Patrick Bailly a la joie d'inaugurer les illuminations de Noël de Thuilly au Groseille. Au Groseille, pardon. Thuilly, c'était hier. Thuilly au Groseille. Thuilly au Groseille, donc c'était hier que. Se déroule là l'inauguration. Patrick Bailly, invité depuis des mois pour l'événement, a commencé doucement avec son morceau La neige est blanche, tiré de son dernier album, mais a quand même chanté son tube, qui n'est pas La mousse au chocolat, qui était son deuxième tube, mais Dansons jusqu'à l'épuisement, afin de faire plaisir aux fans. Jeanne, Dansons jusqu'à l'épuisement. Dansons jusqu'à l'épuisement. Oui, très bien. Merci. Oh, c'est bien. Merci beaucoup. On est à Thuilly. Information suivante, augmentation du coût de l'énergie, la distillation de la Mirabelle à l'arrêt. S'il y a bien une nouvelle qui plombe le moral, c'est celle-ci. Avec le soleil qu'a eu cet été la Lorraine, la Mirabelle promettait d'être exceptionnelle, mais les interdits pleuvent et les bouilleurs de cru voient passer leur plus belle saison en confiture. Heureusement qu'il nous reste pour conjurer notre sort les titres de Patrick Bailly avec Je t'aime, je l'adore, Jeanne. Je t'aime, je t'adore, je t'adore. Mais je également t'aime. L'amour en peau de vache, Jeanne. L'amour en peau de vache. Horrible celle-là, hein, oui. très triste. Et puis dernière information, la route du Rhum Lorrain. Le vainqueur de la saison 2022 est Jarvillois. En effet, Philippe Buisson a saisi son voilier acheté aux enchères et a pris le cap pour la Guadeloupe. Pour la route du Rhum 2022, aucune connaissance sur l'eau, Philippe décide d'apprendre à l'aide de YouTube. Et par chance, ou bien par magie, ce petit génie du voilier dépasse un à un les autres compétiteurs, se positionne en tête, ou devrais-je dire en proue de la compétition sur les derniers mètres et finit à Pointe-à-Pitre en premier. Et Pointe-à-Pitre est une... comment on dit déjà ? C'est pas un anagramme, c'est... Une contrepétrie ? Ouais, non ? Une pointe à pitre, si c'est... Il doit y en avoir une. C'est, de... Non, ah, tu veux dire... d'accord, une contrepétrie. Oui, une contrepétrie. Vous l'aviez, d'accord. Voilà, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je sais pas laquelle, mais pointe à pitre, je vois bien qu'il y ait une contrepétrie là-dedans. C'est mot enfin, je crois. Comme ça, enfin bref, déjà, je trouve pas mes mots, c'est nul. On passe tout de suite à la météo. Merci, Jocelyn, pour ce flash info. La météo. Il en rit déjà. Bon, je dirais que la météo sur Nancy, c'est un temps. Donc on n'était pas au courant, hein, tiens à le préciser. C'est un temps que je qualifierais de maussade. On a pas mal de pluie ces derniers temps, ce qui est toujours difficile, le temps que les températures commencent à descendre. Bon, je dirais que c'est un temps où il fait bon être au Qatar. Hein. Bon, je pense que tant sur le plan environnemental que sur le plan financier, c'est un conseil que tout le monde ne peut pas appliquer. Tellement fort. C'était qui ? On est au Qatar, bah, là. Hein. Moi, j'ai cité. Sarkozy, il y avait Sarko, du Sud aussi. Il y avait du Hollande dedans, un petit peu. Bah, je pense que Tristan l'a quand même, non ? Ah oui, oui, non, mais c'est Deschamps. C'est un entraîneur de foot, non ? Ouais. Ah, Deschamps. Voilà, voilà. Oh là là. Non, c'est vrai. Bravo. N'hésitez pas, si vous l'avez reconnu, à liker ma page Facebook. J'aime ces imitations. Tes météos sont vraiment proches d'être la catégorie phare de cette émission, juste derrière les grosses fesses. C'est vrai. Et d'ailleurs, bonne transition, puisqu'on va aller dire directement aux grosses fesses, juste après Niagara. À trois d'y aller aux grosses fesses. Hein. Et oui, c'est un choix de moi, Niagara. C'est parti. Be better. j'ai vu. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Et c'est l'émission phare de cette matinale de 18h, les grosses fesses, le retour des grosses fesses avec mes chroniqueurs James, Jeanne et Jocelyn autour de oui. cette table pour, toujours pareil, des questions. Alors là, avec une petite différence par rapport aux semaines précédentes, ce n'est pas forcément des questions de l'actualité de la semaine dernière, sur l'actualité de la semaine dernière, mais c'est plutôt Jeanne qui s'est proposé de nous faire un quiz. Alors, je te laisse la main. Jeanne. Oui, apparemment, il y avait que moi, tu avais envie de travailler pour. C'est ça, donc, c'est exactement ça. Voilà. Une bosseuse. C'est ça. 100% raison. C'est ça. Alors, je vais vous faire un petit quiz musical. Horrible. Un petit quiz à l'envers, dirons-nous. Je vais vous faire deviner les chansons qui sont normalement en anglais. Dirons-nous. Et non pas Guirou. Guy Dirou. Que je salue. Guy Dirou. Ouais. Olivier Guirou. Point à pitre. Donc, vous allez devoir deviner les chansons uniquement avec leur texte en français. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, j'adore. J'adore ce que cette. Ouais. Alors, vas-y. Première chanson. Je l'ai vu danser près du tourne-disque. J'ai su qu'il devait avoir dans les 17 piges. Le rythme allait plus fort. Dancing jouant... Queen? Non. Jouant ma chanson préférée. Et je savais que ce serait pas long. Avant qu'il soit avec moi, ouais, moi. Et je savais que ce serait pas long avant qu'il soit avec moi, ouais, moi. Voilà, chantant. Putain, mais on est nuls, là. Tu veux j'aime pas... le pierre et roule. J'aime le rock'n'roll. Et le rock'n'roll, Jet. Ah, c'est... Donc, remets Joan Jett, dans la duke boîte bébé. C'est ça, putain, c'est qui ça? J'aime Joan le Jett, pierre et roule. Joan Jett et The Black Hearts. Oh, la vache. Ça, oui, non, je savais pas. D'accord, okay. Non, mais c'est le 17 ans qui m'a mis sur Dancing Queen. Tu l'as juste avant le. J'avais un peu l'impression. Ouais, j'avais le Miami, mais je savais plus que je savais même pas du tout que c'était. Comment c'est qui Joan Jett, de I Love Rock'n'Roll. Love Rock'n'Roll. Une femme pleine de pouvoir. Pleine et Britney Spears l'avait reprise aussi. C'est vrai. Alors, prochaine chanson, si vous êtes prêts. Elle était plus comme une reine de beauté venant d'une scène de film. J'ai dit, peu importe, mais que veux-tu dire par je suis le 1 ? Non. Qui dansera sur la piste dans le rond? Elle dit je suis le 1. Qui dansera sur la piste dans le rond? Oui, bravo. Tu sais, je savais que c'était Michael Jackson, mais j'arrivais pas à retrouver la chanson. C'était trop dur. Sur la piste. She was more like a beauty queen. Putain, bien joué. Tu l'as aussi, on pourra l'inviter la semaine prochaine. Ouais, Michael, bien sûr. On continue? Ah oui. Alors, next, bien sûr, j'adore. Je crois qu'on a fait 15 ans. Minuit et demi. Et je regarde, totalement seule dans mon appartement, un spectacle tardif. Comme je hais passer la soirée toute seule, vent d'automne, soufflant derrière la fenêtre, alors que je regarde autour de la pièce. Et ça me déprime tant de regarder le téléphone. Y a-t-il une âme par ici? Quelqu'un pour entendre ma prière? Donnez-moi. C'est pas Madonna? Donnez-moi. C'est Queen. Donnez-moi. Gimme More. Enrico. Gimme. J'étais sur Enrico Macias, moi. Donnez. Prends-moi de l'obscurité à la rupture du jour. Gimme. After midnight. Encore une? Ah ouais. Encore trois. Les mecs, ils sont accro. Oh, allons-y. Steve marche prudemment dans la rue. Son chapeau enfoncé sur le crâne. On n'entend que le bruit de ses pas. C'est pas les Bee Gees? Les mitrailleuses sont prêtes à tirer. Non, elle est hyper connue, cette musique. Es-tu prêt? Hé! Es-tu prêt pour ça? Allez, es-tu cramponné à ton siège? Devant l'entrée, les balles claquant. Au son du battement. Oui! Encore un petit mot. C'est Queen, Another One Bites the Dust. Mais oui, je l'ai dit, Queen, en plus. Mais t'as pas dit la chanson? Ah bah non. Encore un qui mord la poussière. Ah la vache. T'en as encore combien? Je peux t'en refaire. C'est le choix carré en 6ème. Oh là là, t'as plein de pages. Hein. T'en veux? Allez, une petite dernière. Une ou deux. Ah, je sais, bien. Ouais. J'aime bien. Je suis passée par la folie. C'est comme ça, je suis passée par là. Je ne savais pas à quel point j'étais perdue. Jusqu'à ce que je te trouve. C'est toujours de l'envie. J'étais à moitié battue. J'ai été triste et déprimée. Mais tu m'as fait sentir, oui, tu m'as fait sentir brillante et nouvelle, comme une vierge. Touché like par a virgin. Bravo. Et on est vraiment des gros nuls. Quoi, bah ouais, c'est vraiment le retour à chaque fois. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Hein. Ouais, ouais, c'est très dur. Sans l'air, c'est vraiment dur. Très bien. Et très bien joué à toi, tu fais pas l'air. Ouais. T'en veux une dernière petite ? Tu vas nous faire la dernière petite juste après. Bah, Abba, on va se mettre gimme, gimme, gimme. Ok. Est-ce qu'on pourra écouter du Patrick Bailly aussi avant la fin ? Ah ouais, c'est Patrick Bailly, ouais. Bah, tu nous feras les paroles en anglais. De Patrick Bailly. Patrick Bailly, on devra. De la mousse au chocolat. Ouais, ouais. Ah ouais, ça glisse, ça glisse. Chocolat, mousse. The mousse. Abba, gimme, gimme, gimme. Abba. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Allez, on continue les grosses fesses. Pourquoi tu sourcis comme ça des deux côtés? C'est de l'exercice. D'accord, oui, c'est je m'entraîne à imiter Iti. On avait l'impression que tu découvrais la musique pour sa première fois. On continue avec, si vous nous rejoignez seulement maintenant, avec un quiz. Et donc, c'est Jeanne qui nous lit des textes francisés, hein, tu les francises, les textes de chansons qui sont originellement chantés en anglais. À nous de deviner quelle est la chanson derrière ce texte en français. Et vous êtes pas mauvais. Oh, on attend quand même le refrain. Pour on n'est pas mauvais, mais on n'est pas très bon non plus. Quoi. Voilà, je ne sais pas vous dire. Ouais. Bah, vous êtes à chier. Alors, allez. Nous parlons sans arrêt. Je ne sais pas ce que je dois dire. Je le dirai de toute manière. Aujourd'hui est un autre jour où tu m'évites. Je viendrai chercher ton amour, ok? Prends sur moi. Prends-moi sur. C'est des chansons, je connais pas bien. Ouais. Tu connais pas? Si, mais je connais pas bien les paroles. Ah, les paroles, vois. Ouais. C'est quel groupe? Aha. Aha. Une dernière? Ah ouais. Attends, c'était quel groupe? Aha, tu connais pas. Ah ok, d'accord. Je pensais que c'était une blague. Et on en reste là. Tu ne sauras pas. Voilà, c'est ça. C'est aha. Mais d'accord, mais c'est. Allez, la dernière. Celle-ci, vous allez me la trouver au bout de 3 secondes. 3 minutes. Ce soir, je veux tout te donner dans l'obscurité. Il y a tant de choses que je veux faire et ce soir, je tiens à m'ouvrir à toi. Parce que, fille, j'ai été fait pour toi. Et fille, tu as été faite pour moi. I was made for you, baby. Tu as été faite pour m'aimer. Oh la vache, moi je n'aurais pas retrouvé ça. Ah ouais ? Tu as été faite pour m'aimer ? Ouais. Bon, c'est sympa de penser aux vieux comme ça. D'où le problème de Francis, de la francisation, voilà, c'est ça. Du franciscisme, enfin, du franciscisme. De Francis Cabrel. Plus, ouais. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ah oui, quel travail. Écoute, je reprends la main avec mes questions parce qu'on est en pleine Coupe du Monde et je vais vous citer le nom de deux joueurs. Nous avons Mehdi Taremi qui est, je crois, je ne sais même plus dans quelle équipe il est. Iranien. Il est iranien, merci. Mais oui, iranien. Mais oui, en plus j'ai vu le but. Mehdi Taremi qui le ramène du pain. Mehdi Taremi et ouais, d'accord. Voilà. Merci. Et Davy Klaassen qui est néerlandais. Quelle est la particularité de ces deux joueurs? C'est quoi le nom de l'autre? Davy Klaassen. Klaassen? Klaassen des Pays-Bas. Ils sont homosexuels. Non, mais ils ont fait quelque chose pendant la Coupe du Monde, pendant leur match, et qui fait que ils détiennent tous les deux un record. Ils ont fait une célébration particulière ? Ah non, c'est pas au niveau de la Est-ce célébration. Est-ce qu'ils ont célébré bon temps, allez ? Celebrate, go to the commun ? Effectivement, alors c'est lié quelque part avec la célébration parce que c'est suite à un but. D'accord, ils ont marqué de la tête. Et non, super intéressant. C'est quelque chose d'exceptionnel dans une Coupe du Monde. C'est la première fois qu'il y a un but de la tête. Quelqu'un marque de la tête. Ils ont marqué du ventre. Du ventre, non, avec une danse du ventre derrière. Ils ont marqué de dos. Non mais c'est lié par rapport justement à une nouvelle préconisation d'arbitrage. Ah, ils ont c'est les buts les plus tardifs de la Coupe du Monde et parce ouais. qu'en fait maintenant il y a beaucoup d'arrêts de jeu et donc du coup ils ont marqué genre à 98 minutes et bah c'est ça. Mais effectivement, yes. Voilà. Ah, c'est-à-dire que il y a une nouvelle prérogative, c'est-à-dire qu'on ne veut plus des matchs où il n'y a que 42-43 minutes de temps effectif de jeu. Du coup, dès qu'il y a du temps mort, que ce soit un pénalty, que ce soit un mec qui se traîne par terre parce qu'il a des crampes, etc. Hop, on le rajoute dans les arrêts de jeu, ce qui fait qu'on a des arrêts de jeu qui peuvent durer des dizaines de minutes. Ce qui a été le cas de cette journée-là, avec par exemple 11 minutes 30 d'arrêt de jeu pour Sénégal-Pays-Bas, 14 minutes 30 d'arrêt de jeu pour États-Unis-Pays de Galles et 10 minutes pour Qatar-Équateur. Et du coup, le but de Pavi Klaassen après 98 minutes et 17 secondes est le deuxième plus tardif inscrit en Coupe du Monde depuis Mehdi Taremi qui a battu Mehdi Taremi. Oui, Mehdi Taremi qui a battu ce score-là peu de temps après, puisque lui, pour le coup, c'est un pénalty, hein, c'est ça, c'est pour ça, l'Iran ouais. face à l'Angleterre, oui. et qu'il l'a mis à la 102e minute et 30 secondes à 102e, alors qu'il n'y a pas eu de prolongation. Mehdi Taremi, félicitations. tellement, effectivement. Je regarde le temps. C'est assez agréable à dire, je trouve, le prénom. Non, Mehdi Taremi. Taremi. Oui, Mehdi Taremi. J'avoue, ouais. Ouais. Rien contre lui, c'est pas pour se moquer. Là, c'est pour se moquer. Mais... Non, parce que ça, c'est le dernier tube de Patrick Bahit. C'est ça. Tout de suite, un extrait, Jeanne. Mehdi Taremi. Avec une seule parole. Voilà, c'est ça. Et maintenant, tu nous la fais en anglais. C'est tout Rémi. Puisque, il faut le savoir, Mehdi Taremi a été interprété par 157 interprètes dans le monde, traduit en 30 langues. C'est vrai que c'est le plus gros carton de Patrick Bahit. Et on n'en parle pas alors que c'est quelqu'un de local. C'est vrai. De Patrick Bailly. C'est voilà. pour ça qu'on n'en parle pas. Parce que c'est local. Ouais, c'est ça. J'ai une voix extrêmement suave actuellement. C'est vrai. Un petit coucou à Tuileau Groseille, qui a vu son inauguration d'illumination de Noël. Ouais, c'était hier. Faite par. Ouais, c'est ça. On l'invite la semaine prochaine. Et vous savez quoi, on va terminer là-dessus. Il faut que je le retrouve. On a eu quelqu'un qui nous a fait un joli commentaire sur notre dernière émission. Ouais, c'est ça. Quoi ? Ouais, oui, j'ai eu. C'est cool. Grâce à votre matinale de 18h, j'ai fait un peu de ménage. Et ça, c'est bien. Et c'est qui d'après vous, qui a trouvé ça? Est-ce que ça veut dire un peu de ménage chez lui ou un peu ménage dans ses amis? Je vous ai tous bloqué, les gars. Il y a des gens qui ont entendu que j'écoutais ça et ils ne me parlent plus maintenant. Effectivement, ouais. Non. C'est horrible, je bloque. C'est quelqu'un que vous connaissez tous autour de cette table. Alors, on est vraiment sur du private joke parce que les auditeurs se disent on n'a rien à faire de savoir que c'est Pierre qui dit ça. Si Brigitte Macron nous écoute, elle va changer de chaîne, j'ai l'impression. Pierre qui fait le ménage. Ouais, c'est ça. Non, c'est Hugo, à tous les Et pourtant, c'est Pierre. Mais non. Ah ouais, ouais, c'est Pierre. Ah bah écoute, on le salue. Voilà, Pierre, coucou. J'espère que tu as attaqué la deuxième tranche de ménage grâce à notre émission. Et puis, c'est vachement grand chez toi parce qu'il y a une saison complète à écouter. Hein. Et du coup, il va nous inviter à prendre un café juste après. Ah oui, Pierre, invite-nous. Et pour Noël, une idée de cadeau, le dernier CD de Patrick Bailly. Oui, il y aura les stickers Fadjet. Disponible dans la boutique Fadjet d'ailleurs, dédicacé. Non mais je dis Patrick Bailly, en plus je sais même pas si dans le journal j'ai écrit que c'était Patrick Bailly. Non, tu m'as mis Michel Bailly. C'est Patrick ou Christophe? Attends, c'est Patrick Bailly parce que ça me fait penser à Patrick Bruel moi. Et tu sais que j'ai cherché du coup sur Google qui c'était, il y a des gens, il y a des gens de Nancy qui s'appellent Patrick Bailly. Il y a un gars de Grand-Est, Patrick Bailly. Je prends que des noms qui viennent de Lorraine, les Bailly. Les Cunis, les petits Colas, c'est que des noms lorrains. Mais moi, je cherche, je tombe sur des vrais gens. On n'est pas sur du Subise qui vient du sud-ouest. Du Mangeau, par exemple. Voilà, ça, c'est bien. Bien malin. Voilà. Et on va terminer là-dessus. Ah, mais une belle fin. La matinale de 18h, l'émission qui est... Bien. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je fais juste un petit coucou parce que pas un petit coucou. Non, mais un message parce que ce week-end il y a à la MJC Bazin. Je lui ai dit que j'en parlerai. Donc je profite de ces quelques dernières secondes à MJC Bazin. Il y a un spectacle d'impro et je vous conseille un festival même d'impro. Et je vous conseille d'y aller. Ça s'appelle Oh là, il pendant ce temps, est-ce que je peux caser le mot que j'avais dit que je caserais? Ouais, vas-y. Bourriche. Bourriche, ouais, voilà, et c'est tellement d'à propos avec les fêtes. Mais voilà, c'est ce week-end à la MJC Bazin que vous avez un spectacle, un festival d'impro, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. C'est organisé, tout dimanche en après-midi, c'est organisé par les TNTB et je vous conseille vraiment d'y aller. Voilà, un petit coucou à Antoine qui fait énormément en termes de bénévolat pour que l'impro soit à cette place qu'il est sur Nantes. Voilà. On se dit à dans 2 semaines, nous. Ouais, bah écoute, on fait ça. On se dit dans 15 jours, à peu près. Allez, quoi. Salutations. Des bisous. Ciao.